auto, analyse, critique. Dénigrement de soi systématique. Réflexion futile. Anarchique. État permanent mélancolique. Tu me suis mon amour. Sache que c'est ma vie de tous les jours. J'ai faim de ce que je n'ai pas et ce que j'ai. C'est toi pour toujours.